Thank you.

Thank you. désasphaltés, désespoir, désaltérés, démunis, désenchantés, désagréables, dépossessions, démangeaisons, déminéralisés, démagnétisés, déloyales, défendables, décortiqués, désarticulés, désunis, démesurément, démanchés, décalissés, désasphaltés, désespoir, désaltérés, démunis, désenchantés, désagréables, dépossessions, démangeaisons, déminéralisation, démagnétisé, déloyal, défendable, décortiqué, désarticulé, désunis, démesurément, démanché, décalissé, démantibulé. Vos muscles sont faits par ce contraté et l'embourse. Vos muscles sont faits par ce contraté et l'embourse. Vos muscles sont faits pour se contracter, se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Vos muscles sont faits pour se contracter et non pour se relâcher. Thank you.

she more or less chooses, but more often than not is chosen by one or by several men who become her protectors, destroyers, husbands, and lovers who fulfill for better or worse the degrees of whatever goes on between woman and man. And so thank you.